Section 119 de La Lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 6e. Section 119, La Bergerie, par Anatole France. Quel âge a votre petit garçon, madame ? À cette question, la mère regarde son petit garçon comme on regarde la pendule pour voir l'heure. Et elle répond « Pierre, il a 29 mois, madame. » Il valait autant dire 2 ans et demi, mais comme le petit Pierre a beaucoup d'esprit et fait 1000 choses étonnantes pour son âge, on craint de rendre les autres mères un peu moins jalouses si on le leur présente comme un peu plus âgé qu'il n'est et, par conséquent, un peu moins prodigieux. C'est pour une autre raison encore qu'elle ne veut pas qu'on lui vieillisse son Pierre d'un seul jour. Ah, c'est qu'elle veut le garder tout petit, tout bébé. Elle sent bien que plus il grandira, moins il sera son enfant. Elle sent qu'il lui échappe peu à peu. Hélas, il ne cherche qu'à se détacher, ces petits ingrats. La première séparation date de leur naissance. Alors, on a beau être leur mère, on n'a plus qu'un sein et 2 bras pour les retenir. Tout cela fait que Pierre a tout juste 29 mois. C'est d'ailleurs un bel âge et qui m'inspire, pour ma part, beaucoup de considération. J'ai plusieurs amis de cet âge dont les procédés sont excellents à mon égard. Mais aucun de ces jeunes amis n'a autant d'imagination que Pierre. Pierre assemble les idées avec une extrême facilité et un peu de caprice. Il se rappelle certaines choses très anciennes. Il reconnaît des visages absents depuis plus d'un mois. Il découvre, dans les images coloriées qu'on lui donne, 1000 particularités qui le charment et l'inquiètent. Quand il feuillette certains livres illustrés qu'il aime et dont il n'a déchiré que la moitié des pages, ses joues se tachent de rouge et une lueur trop vive passe dans ses yeux. Sa mère a peur de ce teint-là et de ces yeux-là. Elle craint que trop de travail ne fatigue une tête si petite et molle encore. Elle craint la fièvre, elle craint tout. Elle a peur de porter malheur à l'enfant dont elle s'est enorgueillie. Elle en est presque à souhaiter que son petit garçon, dont elle fut si fière, ressemble au petit du boulanger qu'elle voit tous les jours sur le pas de la boutique, avec une face énorme et plate, des yeux bleus sans regard, une bouche perdue sous les joues et un air de santé bête. Il ne donne pas d'inquiétude, au moins celui-là. Tandis que Pierre change de couleur à chaque instant, il a ses petites mains brûlantes et il dort dans son berceau d'un sommeil agité. Le médecin n'aime guère non plus que notre petit ami regarde des images. Il recommande le calme des idées. Il dit « Élevez-le comme un petit chien, ce n'est pourtant pas difficile. » En quoi il se trompe? C'est au contraire très difficile. Le docteur n'a aucune idée de la psychologie d'un petit garçon de 29 mois. Et puis, le docteur est-il sûr que les petits chiens s'élèvent tous dans le calme de la pensée? J'en ai connu un qui, âgé de 6 semaines environ, rêvait toute la nuit et passait dans son sommeil du rire aux larmes avec une rapidité pénible. Il emplissait ma chambre de l'expression des sentiments les plus désordonnés. Est-ce du calme, cela? Non pas. Aussi, le petit animal faisait comme Pierre, il maigrissait. Il vécut pourtant. Pierre a, de même en lui, les germes d'une généreuse vie. Il n'est atteint dans aucun organe essentiel, mais on voudrait le voir moins maigre et moins pâle. Paris convient mal à ce petit Parisien. Ce n'est pas qu'il s'y déplaise, au contraire, il s'y amuse trop. Il y est attiré par trop de formes, de couleurs et de mouvements. Il a trop à sentir et à comprendre, il s'y fatigue. Au mois de juillet, sa mère l'emmena tout pâle et mince dans un petit coin de la Suisse, dans une tiède vallée où il ne vit que de l'herbe et des vaches. Il vit des vaches dont il buvait le lait écumant, il vit l'herbe aromatique qui composait ce lait. Cela faisait un bienfaisant spectacle. Un tel repos sur le sein de la grande et calme nourrice dura 3 mois, 3 mois pleins de riantes images et pendant lesquels beaucoup de pain bis fut mangé. et je vis revenir dans les premiers jours d'octobre un petit pierre nouveau, régénéré, un petit pierre bruni, doré, cuit, presque joufflu, les mains noires, la voix grosse et le rire gros. « Regardez mon pierre, il est affreux !» disait la maman joyeuse. « Il a les couleurs d'un bébé à 29 sous !» Mais elles ne durèrent pas, ces couleurs. Bébé pâlit, redevint nerveux, délicat, avec quelque chose de trop rare et de trop fin. Paris reprenait son influence. Je veux dire le Paris spirituel, qui n'est nulle part et qui est partout, le Paris qui inspire le goût et l'esprit, qui trouble, qui fait qu'on s'ingénie, même quand on est tout petit. Et voilà Pierre de nouveau, blêmissant et rougissant sur des images. Vers la fin de décembre, je le trouvai nerveux, avec des yeux énormes et de petites mains sèches. Il dormait mal et ne voulait plus manger. Le médecin disait « Il n'a rien, faites-le manger !» Mais le moyen, sa pauvre mère avait essayé de tout et rien n'avait réussi. Elle en pleurait et Pierre ne mangeait pas. La nuit de Noël apporta à Pierre des polichinelles, des chevaux et des soldats en grand nombre. Et le lendemain matin, devant la cheminée, la maman en peignoir, les mains pendantes, regardait avec défiance toutes ces figures grimaçantes de jouets. « Cela va encore l'exciter, se disait-elle, il y en a trop !» Et doucement, de peur d'éveiller Pierre, elle prit dans ses bras le polichinelle, qui, lui, avait l'air méchant, les soldats qu'elle redoutait, les croyant fort capables d'entraîner plus tard son fils dans les batailles. Elle prit le bon cheval rouge lui-même et elle alla, sur la pointe des pieds, cacher tous ses joujoux dans son armoire. Elle ne laissa dans la cheminée qu'une boîte de bois blanc, le cadeau d'un pauvre homme, une bergerie de 39 sous. Puis elle alla s'asseoir près du petit lit et regarda dormir son fils. Elle était femme et le petit air de fraude qu'avait sa bonne action la faisait sourire. Mais voyant les paupières bleuies du bébé, elle songea de nouveau « C'est horrible qu'on ne puisse pas le faire manger, cet enfant !» À peine habillé, le petit Pierre ouvrit la boîte et vit les moutons, les vaches, les chevaux, les arbres, des arbres frisés. C'était, pour être exact, une ferme plutôt qu'une bergerie. Il vit le fermier et la fermière. Le fermier portait une faux et la fermière un râteau. Ils allaient au pré faire les foins, mais ils n'avaient pas l'air de marcher. La fermière était vêtue d'un chapeau de paille et d'une robe rouge. Pierre lui donna des baisers et elle lui barbouilla la joue. Il vit la maison. Elle était petite et si basse que la fermière n'aurait pu s'y tenir debout, mais cette maison avait une porte, et c'est à quoi Pierre la reconnut pour une maison. Comment ces figures peintes se reflétèrent-elles dans les yeux barbares et frais d'un petit enfant? On ne sait, mais ce fut une magie. Il les pressait dans ses petits poings qui en furent tout poissés. Il les dressait sur sa petite table et les nommait par leur nom avec l'accent de la passion. « Dada, Toutou, Moumou !» En soulevant un de ces étranges arbres verts, au tronc lisse et droit et dont le feuillage en copeaux forme un cône, il s'écria « Pain, pain !» Ce fut pour sa mère une sorte de révélation. Elle n'eut jamais trouvé cela. Et pourtant, un arbre vert, en forme de cône, sur un fût droit, c'était certainement un sapin. Mais il fallait que Pierre le lui dît pour qu'elle s'en avisât. « Ange !» Et elle l'embrassa si fort que la bergerie en fut aux trois quarts renversée. Cependant, Pierre découvrait aux arbres de la boîte une ressemblance avec des arbres qu'il avait vus là-bas, dans l'herbe épaisse et le bon air. Il voyait encore d'autres choses que sa maman ne voyait pas. Tous ces petits morceaux de bois enluminés évoquaient en lui des images touchantes. Il revivait pour eux dans une nature alpestre. Il était une seconde fois dans cette Suisse qu'il avait si grassement nourrie. Alors les idées se liant les unes aux autres, il pensa à manger et dit « Lait, pain !» Il but et mangea. L'appétit se réveilla. Il soupa le soir comme il avait déjeuné le matin. Le lendemain, la faim lui revint en revoyant la bergerie. Ce que c'est que d'avoir de l'imagination. 15 jours après, c'était un gros petit bonhomme. Sa mère était ravie. Elle disait Regardez donc, quelle joue! Un vrai bébé à 13 sous! C'est la bergerie de ce pauvre monsieur X qui a fait cela. Fin de la section 119.